La sixième conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée a eu lieu les 17 et 19 novembre au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Il était présent Choi Ryong-hye et des cadres responsables du comité central du Parti du travail de Corée et du comité central de l'Union des femmes, des cadres intéressés et des délégués élus des conférences des structures de l'Union des femmes de tout échelon. Il figurait également comme observateur des cadres du parti et de l'administration des secteurs concernés, la délégation de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon et la délégation des femmes cadres de l'Association générale des Coréens en Chine. En voici l'ordre du jour de la conférence. Primons, du bilan des activités du comité central de l'Union démocratique des femmes de Corée. Secondo, du bilan des activités de la commission centrale de l'inspection de l'Union démocratique des femmes de Corée. Tertio, de l'attribution d'un nom nouveau à l'Union des femmes. Quartio, de l'élection de l'organe directeur central de l'Union des femmes. Quinto, de la révision des statuts de l'Union des femmes. Une lettre historique du maréchal Kim Jong-un, adressée aux participantes à la sixième conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée, renforçant davantage les affaires de l'Union des femmes, suivant la bannière de transformation de toute la société par le kimilsonisme-kimjongisme, a été transmise par Choi Ryong-hye, membre du comité permanent du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du travail de Corée. Y ont été présentés des corbeilles de fleurs et messages de félicitations adressés à la sixième conférence par les formations des femmes de divers pays, des institutions internationales et des personnalités politiques et sociales étrangères. La présidente du comité central de l'Union des femmes a prononcé un rapport sur le premier point de l'ordre du jour du bilan des activités du comité central de l'Union démocratique des femmes de Corée. La chef de la délégation de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon et la chef de la délégation des femmes cadres de l'Association générale des Coréens en Chine ont fait chacune un discours de félicitations. L'assistance a écouté des interventions sur le premier point de l'ordre du jour. Le groupe de félicitations de l'Organisation des enfants de Corée a récité un poème « Félicitations et gloire à vous » en l'honneur de la sixième conférence de l'Union des femmes. La résolution sur le premier point de l'ordre du jour du bilan des activités du comité central de l'Union démocratique des femmes de Corée a été adoptée à l'unanimité par les délégués. L'assistance a écouté un rapport sur le deuxième point de l'ordre du jour du bilan des activités de la commission centrale de l'inspection de l'Union démocratique des femmes de Corée. L'assistance a discuté sur le troisième point de l'ordre du jour de l'attribution d'un nom nouveau à l'Union des femmes. La résolution sur l'attribution du nom de l'Union socialiste des femmes de Corée a été adoptée à l'unanimité. L'assistance a discuté du quatrième point de l'ordre du jour de l'élection de l'organe directeur central de l'Union des femmes. Toutes les candidates recommandées ont été élues unanimement, membres titulaires et suppléantes du comité central et membres de la commission centrale de l'inspection de l'Union des femmes. La conférence a publié le contenu d'une résolution de la première session plénière du 6e comité central de l'Union socialiste des femmes de Corée. Le comité exécutif, la présidente et les vice-présidentes du comité central de l'Union des femmes ont été élues. La commission organisationnelle du comité central de l'Union des femmes a été constituée et les chefs de département du comité central de l'Union ont été nommés. La conférence a publié le résultat des élections de la présidente et des vice-présidentes effectuées à la première session plénière de la 6e commission centrale de l'inspection de l'Union socialiste des femmes de Corée. La résolution sur le 5e point de l'ordre du jour de la révision des statuts de l'Union des femmes a été adoptée à l'unanimité par les délégués. Les délégués de la conférence ont adopté un test de serment à l'adresse du maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême du Parti du travail de Corée et du peuple coréen.